Le pays des années 80, le pays des années 80. L'enfance, c'est mon pays maudit. Je m'en suis exilé, mais j'ai plus de papier. Je suis condamné à errer sans nationalité. Je vais de bureaux en guichets en leur répétant tout le temps qu'il faut m'aider parce que je viens du pays. Je savais que j'allais avoir froid, mais que j'allais voir mes filles un peu à poil. Il faut débrancher les Walkman, oublier les Jean-Jacques Goldman. Moi, je suis têtu comme un âne. On dirait que je veux rester pour toujours. Gracias. Permesso. J'ai vu qu'il lui manquait un bras. Il me l'étendait dans un sac plastique mauve avec le bras gauche. Et moi connement je lui ai dit: oh, vous êtes gaucher monsieur. J'ai pleuré pour de bon quand t'as coupé les oignons. J'ai pleuré comme un con quand t'as coupé les oignons. J'ai pleuré pour de bon quand t'as pleuré les oignons. J'ai pleuré quand t'as coupé les oignons. Pleuré les oignons. Pleuré pour le légumier ou peut-être pour la cuisine fermée. Le vestiaire est en réfection et ça fait chier. Mes muscles fondent comme la neige comme au soleil. Neige au soleil. Je manque d'exercice. C'est particulièrement emmerdant. Quand je dois baiser avec ma copine. Parce qu'elle aussi, elle allait à cette piscine. Et on est comme deux gros veaux qui s'entassent l'un sur l'autre sans dynamique aucune. Qu'est-ce que c'est triste la vie quand on y pense. Quand on coupe les oignons, on se rend compte de ça. T'en as pas assez là? Ça suffit, c'est bon, ça aura assez de goût comme ça. Ta gueule, les oignons, il n'y en a jamais assez.